بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أردني لكم فنابل أي أنتظر بلمابل. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أردني لكم فنابل أي أنتظر بلمابل. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نميرو 2. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فتقدم معنا أمس بيان شيء من فضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن تلك الفضائل أنه سبب لتطهير المجتمعات من المخالفات، كذلك أن بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعاون بين المسلمين، كذلك من الفضائل أنه سبب من أسباب النصر. وفضائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة، فذكرنا نحن بعضها. ثم أخذنا مسألة هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، ولا شك في وجوبه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، حديث أبي سعيد في صحيح مسلم. واليوم نأخذ الشروط. قبل هذا نقرأ كلام الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز عليه رحمة الله، قال: ومتى ترك الناس الأمر بالمعروف عليكم السلام والنهي عن المنكر وتساكتوا استحقوا المقت من الله واللعنة وحلول العقوبات. تقدم معنا أمس أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على كل مسلم بقدر ما يستطيع، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أما سلوك دلس هذا الواجب sans aucune raison. Il voit un منكر il l'enlève pas alors qu'il a la capacité. إما il peut l'enlever avec sa main ou il peut l'enlever avec sa langue ou يعني avec la parole ou minimum s'il n'a pas la capacité avec son cœur. Et le cœur il n'y a pas le choix, tout le monde a la capacité. Celui qui délaisse هذا il est à la khatar. قال شيخ بن باز استحق المقت من الله واللعنة. نعم. واستدل بقول الله عز وجل: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية إلى مضي اليهود والنصارى الذين كفروا من بني إسرائيل، والسبب أنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. فواحد منهم إفزع منكر لا أحد يكلمه. فالأمر ليس بالهين. تقل شو أيها المسلم يبخب على الشوز على ليجير ça me regarde pas, c'est pas mon problème. مثل هذا الكلام. ومخالفة النبي عليه الصلاة والسلام c'est pas بالأمر السهل. فهذا الدين Allah subhanahu wa ta'ala est créé illa lil'ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa min a'adam al'ibadat al'amr bil ma'ruf wa na'al munkar. Amma mukhalafat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fa sabab al-fitna wa sabab al-adab. قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم في أطلسوا أطنكر أيها المسلم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم لا personne il fait attention. Tu vois un munkar, tu peux l'enlever, enlève-le. توكل على الله selon ta capacité كما تقدم أمس. ثم قال شيخ بن باز رحمه الله وفي سنن أبي داود رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن بسيت الحديث pour expliquer le verset. قال إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل la première chose إن أول ما دخل النقص la première chose qu'a fait du mal à بني إسرائيل اليهود والنصارى la première chose qu'ils ont délaissé قال أنه كان الرجل يلقي الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. انظر نهي عن المنكر نهي الآن لا personne il a enlevé le munkar. مثلا واحد من بني إسرائيل il passait vers un autre, il faisait un munkar, il lui disait يا هذا اتق الله خاء الله ودع ما تصنع et délaisse cette chose, ce munkar, فإنه لا يحل لك, c'est interdit. فالآن طيب y a pas de problème, لكن اسمع أن هذا ça suffit pas. Il y en a la personne, il peut continuer le munkar. Enfin, ça va être quoi ta position? Anta. Qala alayhi sallallahu salam, thumma yalqa. Min al-ghad. Le lendemain, il le rencontre. Donc, le premier jour, maintenant lundi, il le voit faire un munkar, il lui dit, taqillah. Délaisse ce munkar. C'est interdit, il a akhiré. Le lendemain, maintenant mardi, il le rencontre. Il rencontre cette personne qui faisait le munkar. Qala wa huwa ala hali. Le lendemain, il le rencontre et la personne, il a la même situation. Il fait le même munkar. إما الزنا إما يبوا إما يفهم إما يفيد الشرك إما منكرات. قال يلقاه من الغد وهو على حاله فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلة أو شريبة أو قعيدة. Le lendemain, il le rencontre et il a pas arrêté le munkar. Ça l'empêche pas de manger avec lui, de parler avec lui, de s'amuser avec lui, de boire avec lui. يعني c'est son ami. قال عليه الصلاة والسلام. اسمع le résultat الآن. Ça c'est فعل بني إسرائيل. أنهما منكر ولو s'il l'enlève بداية au début, لكن même si la personne et si la personne continue à faire le munkar, ça le dérange pas, ça reste son ami. وهذا c'est un ضعف الإيمان et c'est مخالفة للأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض الحديث. الله سبحانه وتعالى dès qu'il se comportait avec Adam et Israël, Allah ضرب قلوب بعضهم ببعض أي لخالف بين قلوبهم. Et والعياذ بالله ils sont égarés. السبب c'est هذا. الحديث il est ضعيف. ضعفه الإمام الألباني رحمه الله لكن الحديث il a des أصول. وبعض العلماء le حسن. ولا شك في هذا أن celui qui appelle un معروف ou qui interdit un munkar, فلا شك أنه il doit avoir un comportement بهذا مع هذا الشخص. أما واحد يفعل منكر, tout le monde parle avec lui, tout le monde rigole avec lui, mange avec lui, c'est leur ami, il a آخره. أولاً, tu fais du mal à la personne qui fait le munkar. Et أن si tu marches avec lui, il va croire que c'est طيب ce qu'il fait. Il va se dire, personne ne me dit rien. ثانياً, tu fais du mal à celui qui va enlever le munkar. مثلاً, واحد يفعل منكر, un il parle. Il lui dit, أخي, اتق الله كذا. 10, ils disent rien. Ben, ils vont avec lui, ils rigolent avec lui, il a akhiré. Ça va faire du mal à la personne et ça va faire du mal à celui qui veut enlever ce munkar. Yannahoua, il va dire, il n'y a que toi qui parles, l'imada, les autres, ils disent rien. Wahakada. Là, yajouz, ça, c'est pas minas sunnah. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul, unsur akhak, zaliman ou madlouma. Tu dois aider ton frère, que ça soit un zalim ou madloum. Amma al-madloum, wadih, quelqu'un lui fait du mal, tu l'aides. Amma zalim, celui qui fait du mal lui-même, anta, tu peux l'aider. Tu l'enlèves de ce zolm. Tu l'enlèves de cette injustice, tu l'enlèves de ce mal, tu l'ansor. Amma, tu fermes les yeux, daïman les sourires, ka'anna l'amr, ça ne te regarde pas. Taqaddamat l'aya, lu'ina alladhina kafaru min bani Israël. Et tous ceux qui suivent bani Israël, ils ont le même hukm. C'est pas khas pour bani Israël, abadan. Abadan. Al-insan, il reste pas hakada. Hakada passif à ce point-là. Ba'dan nas, ils font des munkarat, يعني دي عظائم عظائم والله تتخوف بعض الناس كأنه في غير كأنه يعني جتو أنت في حرب في سرع تي لا غير avec lui أنت واحد يبيان يغول avec lui marche avec lui كأنه ما في شيء ساس من الخذلان لا تزال طائفة من أمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله واعلم أن الخذلان الخذلان سكتت بال فخير الفخير اللي في حق يفعل في منكر et la personne c'est comme si ça ne le regarde pas ça s'appelle al-khudlan et à la manas khudlan tu fais aucun mal au frère fil haqiqa tu te fais du mal qu'à toi et ce frère s'il a le haq il sera mansour aujourd'hui demain ou après demain bi'idnillah azza wa jal nahnu la responsabilité la plus grande insan il tlab l'ilm layl nahar al-insan il fait des livres al-insan il apprend le Quran al-insan kada kada kada fa la yajouz c'est un spectateur abadan abadan toi bi'idnillah t'es la première personne qui doit parler t'es la première personne qui doit montrer. Et un tas, tu patientes. C'est facile. Hakada. Si tu parles, tu auras des problèmes. Ou l'asr. Inna l'insana la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haq. Aïe, amr bil ma'ruf wa na'a munkar. Tawasaw bil haq. Il s'entraide fil haq. Il montre le haq. Il interdit al-batil ila akhiri. Qala azza wa jal wa tawasaw bil sabr. Ça va impliquer que tu dois patienter. وهذا avec تعاون تعاون on s'entraide la base c'est moins difficile اما la personne les gens ils le laissent tout seul ils le voient يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر وهم c'est comme s'il n'y avait rien tu seras éprouvé لان délaisser le haq c'est pas facile فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم et لماذا tu parles pas لماذا tu es d'accord avec le batil il va dire là je suis pas d'accord لماذا tu parles pas لماذا؟ alors que tel قدرة tu connais le حق tu sais très bien مثلا le frère ou la personne il est à la خطأ لماذا tu parles pas بل la personne il va avec lui il rigole il mange كما في الحديث الله العافية أنت أيها المسلم تستفد de ce hadith de cette مسألة qu'on a vu أن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر c'est pas pour rapport à ta petite personne أبدا والله أن ceux qui ont un خلل في هذا لأنه يدافع sur son نفس فبعض الناس Et on l'a tous vu, هذا. Si la personne lui fait quelque chose à lui, il enlève le munkar. L'Anna, il touche sa petite personne. هذا, tu verras que ce n'est pas l'Illah. S'il fait la même chose à un autre frère, il ne bouge pas un cheveu. Il est où l'amr bil-ma'ruf ? Il est où l'Anna munkar ? Ça, c'est l'Illah, ce n'est pas pour ta petite personne. Bal, quand c'est ta petite personne, tu dois se voir. Amma, l'autre. مسكين إذا على حق إلى آخره فنحن الآن نكوكلو أن الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر سي با بوغ توا سي با بوغ ديفون طون نفس أبدا الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر سباب من أبواب الجهاد tu le fais في سبيل الله que ça soit toi ou contre toi pour toi ou contre toi un proche une personne lointaine تأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وتصبر هذا فالآن الباب يا إخواني اللي مهم والله الباب اللي مهم La personne, un jour il dit rien, deux jours, une semaine, si ça devient une habitude, il est à la khatar. Wallah, il peut s'égarer. Wallah, yash'ur. Wallah, la sabab kathir minan nas, il s'égare. La'allah, c'est hada al-bab. Il voit des munkar, il dit rien. Un jour, ça lui tombe sur lui. Et il comprend plus rien. Ça tombe sur toi. Et dès que ça tombe sur toi, t'aimes bien que les autres, ils te nsar. Sahih. T'aimes bien. Ça fait plaisir. Wahed nsar fi haq. Sois pas égoïste, hakada. Haq, c'est haq. Batil, c'est batil. سيأتي معنا كلام شيخ الإسلام أن كثير من الناس يدرس الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر لأنه يدز بخذ صحيح المسكين يكروك أن سيكارتون ده هذا يكروك إيفا سلواني دز بخذ إلا أبلي قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أن سيكارتون أمر بالمعروف ونهى عن المنكر tu penses لا أنا je veux pas de problème يا أخي فانصح فلان لا أنا je veux pas de problème إلا أن تكارتون tu tombes dans les problèmes لأن tu t'écartes la sunna du prophète صلى الله عليه وسلم et tu tombes dans les problèmes les deux pieds dedans أما والله si tu patientes tu montres et تصبر والله t'es على حق et الله تنصر الله يتلب prends exemple de العلماء العلماء ils font un jihad عظيم contre أهل الباطل jihad عظيم et يردون ça leur fait des problèmes لا تظن لا تظن العالم يغانت il n'a pas de problème أبدا فلان يلانسلت فلان يطعن فيه فلان يسب أو يطعن في عرضه في دينه إلى آخره لا شك que ça pèse لكن كما قال عز وجل العاقبة للمتقين la fin elle est au pieux ولا شك والعاقبة للتقوى C'est ça le manhaj al-salafi, c'est ça ya jama'a. Le manhaj salafi, c'est pas une étiquette faqat. Le manhaj salafi, c'est pas je prends ce que je veux, je délaisse ce que je veux. Ça c'est tariqat ahl al-bid'a. Ils ont pris ce qu'ils voulaient filassement en sifat, ils ont délaissé ce qu'ils voulaient. Ils ont pris ce qu'ils voulaient fil iman, ils ont délaissé ce qu'ils voulaient. Amma nahnu, on essaye d'appliquer da'iman. قال الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب دائما نسي تطبيق هذه الآية نحن أتقوب صلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع والخطأ صغير يا جماعة لا حديث دي لا ناجي في كذا الخطأ صغير لكن le problème c'est pas خطأ ou pas خطأ tout le monde fera des خطأ le problème c'est dès que tu sais que tu as fait un خطأ corrige tu sais que tu as fait un خطأ essaye de t'améliorer jour après jour jour après jour. Amma, il y a un khata, tu le sais, et c'est comme s'il n'y avait rien. Ah là, c'est pas taïb, abadan. Ala kulli hal, al-amra bil ma'ruf wa nahi al munkar, c'est aslun azim min hada din. Et tu sais que c'est obligatoire pour toi. Tu sais que t'es pas tout seul, tu vis dans un mujtama'. T'es pas tout seul. Allah t'a facilité, tu dois être un sebab, une cause pour les autres. Amma l'égoïsme hada, khalas j'ai été guidé, ça c'est min af'al al-kuffar. Tu ne trouveras pas plus égoïste qu'un kafir. Un verre d'eau, wallah il ne te donne pas. Amma nous on est des musulmans. Nous on est des musulmans. Allah il t'a donné ce khayr, il t'a donné ce ilm. Tu as appris ce manhaj, tu sais le haq. Et l'akhirat, tu dois être une cause pour les autres. Ta famille, tes proches et l'akhirat. Enfin, si tu as compris hada, i'lam, anna l'amra bil ma'ruf, wa nahi ani munkar, il a des shurut. La personne, il peut entendre ce kalam, le fada, c'est obligatoire, et il peut avoir de la motivation et ça le pousse à appeler au bien et à interdire le mal. Là, il y a des shurut, il y a des conditions, il y a akhi. C'est pas hakada, c'est pas je fonce. Abadan. On va citer 4 shurut, bi'idnillah, muhimma. La personne, il doit les connaître, il doit les appliquer, et il ne dépasse pas. Abadan. Là, ces shurut, ils sont bâtis, ils sont basés sur des preuves du Coran et de la Sunna. Al-Shart al-Awwal, al-Ilm. Si tu ne sais pas, tu n'as pas la capacité. Fala'bud min al-Ilm. Si tu parles, fatakallam, hada ma'aruf, tu dois être sûr que c'est un ma'aruf. Ou hada c'est un munkar, tu dois être sûr que c'est un munkar. Fi hada al-bab, il n'y a pas d'à peu près, ya jama'a. Il n'y a pas d'à peu près. Abadan, t'es à l'ilm, parle. T'es pas à l'ilm, tais-toi. Mais anna, si tu parles sans ilm, au lieu d'arranger les choses, tu vas empirer les choses. Et tu vas te faire du mal à toi. Et tu vas faire du mal aux autres. Et à la fin, on n'a rien gagné. La personne, il restera dans son munkar. Toi, tu t'es fait du mal. Wa dalil ala hadha shart. Shart al-ilm. Avec la personne, il a du ilm, il a la science. Anna, cette chose, c'est un ma'ruf. Il appelle. Ou cette chose, c'est un munkar. C'est une chose de mauvaise. Il met en garde. Qala Allahu azza wa jal. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا لا تقف ما ليس لك به علم. T'as pas le droit de prétendre une chose ou dire une chose ou d'appeler une chose ou d'interdire une chose et t'as pas de ilm. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Qui c'est qui t'a donné cette responsabilité? T'as pas de ilm, tu dois faire une chose, aller apprendre. Si t'as pas de ilm, akhi, wallah, tais-toi. Et les forces que t'as. Il y en a beaucoup de gens, il voit un munkar, il n'est pas trop sûr, il ne sait pas comment faire, mais tu trouves qu'il a de la motivation. Cette motivation, akhi, mets-la dans talab al-ilm. Et va pas, fonce pas comme un suicidaire, tu vas te faire du mal. Cette motivation, prends le mushaf et vas-y, bismillah. Commence, tu as 60 hizb à apprendre. Apprends sunnah, lis fatawa al-ulama, lis kutub al-ulama, kutub al-aqidah, kutub al-tawhid. Et vas-y, mets tes forces si tu as des forces. Tfaddal. Amma hakada faire des dégâts, tu vas khalif. Sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu vas faire du mal aux gens et tu vas te faire du mal à toi. Wa min as-sunnah wa ad-dalil min as-sunnah qawluhu alayhi sallallahu alayhi wa sallam man ra'a minkum munkaran. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit man ra'a. T'es sûr, t'es à la ilm que c'est un munkar. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit munkaran. Amma t'as pas vu, t'es pas à la ilm. Une personne elle te dit Fulan, il savent pas trop, il a peut-être fait ça. C'est pas du ilm hada. C'est pas du ilm, parle pas, tais-toi. Tu veux conseiller, conseille. Amma, tu vas, et pourquoi tu as fait ça? Et miskin, il n'a rien fait. Là, il joue, d'accord. Là, il joue. Tu vas tomber sur le dhulm, ou le dhulm, ou le qiyam. Qala, al-imam, al-faqih, Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, alayhi rahmatullah, ay, ukhtasr le kalam, qala, an yakun aliman, ay, min al-shurut, an yakun aliman bil ma'ruf al-munkar, Ça, c'est une condition, ya jama'a. S'il n'y a pas cette condition, tu ne fais pas l'acte. Tu n'appelles pas au ma'ruf et tu n'interdis pas le munkar. Si tu n'as pas cette condition. Comment tu vas appeler une chose, on va interdire une chose et tu ne la connais pas? Ça ne rentre pas fait l'acte. Je sais pas, demande, renseigne-toi, fais des recherches, apprends. Amma hakada tu fonces, la yajouz lak. Kala fa in lam yakun aliman bil ma'ruf, fa innahu la yajouz an ya'mur bih. Isma, si t'as pas d'ilm, fais hadi le mas'ala, t'as pas le droit d'appeler. Pourquoi, limada? Kala li annahu qad ya'mur bi amrin yadhunnu ma'rufan wa huwa munkar. Wa la yadri. Sahih. Si tu sais pas, peut-être que tu vas interdire une chose, tu vas dire ya akhi taqillah, fais pas ça. Peut-être que cette chose c'est une sunna. C'est quoi le sabab? Yarhamukallah, al-jah. Il y en a beaucoup de gens, ce qu'il n'a pas vu, il croit que c'est pas haq. Ça, c'est pas savoir ça. Beaucoup de gens, il n'a pas entendu une chose, maintenant, ou il n'a jamais vu une chose, dès qu'il la voit la première fois, il croit que c'est un batil. Il y a plein de choses que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais entendues. Enfin, c'est pas tout. Une chose, un tas que tu ne connais pas, c'est batil. Peut-être que toi, tu ne connais pas, un autre, il connaît. Si tu étudies la mas'ala, est-ce que c'est un munkar ou un ma'ruf? Et on a déjà dit ton mizan, la balance c'est le Coran ou le Sunna. Cette mas'ala, tu la mets sur la balance de le Coran ou le Sunna. Tu vas automatiquement avoir un jugement. Je suis de bon. Maintenant, si toi, tu n'es pas capable de savoir, t'appelles un savant. Fas'alu ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamun. Ya Cheikh, maintenant mon père, il fait ça. Et tu lui dis comme ça se passe. Ya Cheikh, maintenant mon père, il fait ça. C'est quoi le hukm? Cheikh, maintenant il va te dire ton père, là il y a juste qui fait ça. Et il va te citer une preuve. Qala Allah, qala Rasoul. Et il va te conseiller, montre à ton père. Un tel, un de près. Un tel, short l'ilm. T'as demandé et t'as fait tes recherches. Tu vas maintenant, ya Abi, ce que tu fais c'est haram. Allah il a dit ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit. Mahakada. Et un bon comportement et tu verras les fruits. Mahakada, tu fonces. Tadam. Mahakada, tu fonces. T'as interdit une sunnah. Ou t'as appelé à une bid'a. Beaucoup de gens, il appelle une chose, il croit que c'est un ma'ruf. Il appelle, un frère vient, il dit là, c'est une bid'a. Qala al-Rasul kada. Cheikh l'Islam, il a dit kada. Al-Imam Ahmed, il a dit kada. Il ne sait plus comment faire. Limada, liyanna, il parle sans ilm. Qala l'Imam al-Bukhari, al-ilm, qabla al-qawli wal-amal. Qala al-Azzawajal, fa'alam, annahu la ilaha illallah. Ne parle pas sans ilm. Agis pas sans ilm. Wallah, même si tu as une bonne niya, tu feras des dégâts. الشرط الأول العلم. إسا سافو مونتخ يا جماعة الشرط الأول لامبورتونس دو طلب العلم. لامبورتونس دو طلب العلم. نحن نجي باك الأمر بالمعروف ونهي عن المنكر سانك بور العلماء أو بور طلبة العلم أبدا. لكن بلو لا بيغسون إلي فور دون العلم بلو إي بورا بارلي. إي سولوي كي كي كي كي بو با طلب العلم إلى آخره إي دوموند. إي دوموند. إي إي سي بريسيبيت با. التأني سي طيب. التأني تو دوسمون. نو بريسيبيت با. سوي با لا هوا. Shaitan a rien à une porte de bien, il te pousse et il te fait tomber dans un mal. Ah, tout doucement, l'insan ne se précipite pas, il ne perd pas ses moyens, il demande, il prend conseil vers les frères, des frères de confiance, qabla hada vers l'ulama, il a akhri et tu verras, il y aura des fruits dans son comportement et dans sa da'wa. Hada al-shart al-awwal. Al-shart al-thani, al-qudra. Hada taqaddam. Al-shart al-thani, al-qudra. Il a la capacité. S'il n'a pas la capacité, فالله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم autant que tu peux. Si tu peux passer au-dessus de tes capacités, c'est pas une chose واجبة عليك. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. لكن اعلم أن la capacité, tu peux pas descendre en dessous du niveau le cœur أبدا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. أما le cœur, tout le monde a la capacité. Quelqu'un qui a la raison, il a akhiré, il a la capacité. Son cœur, il voit un munkar, il doit bouger. لكن la langue, et le fait de parler, من باب أولى avec la main, le fait d'enlever un munkar avec la main, ou appeler un ma'ruf avec la main, فهذا, ça peut, أحيانا, la personne, il peut ne pas avoir la capacité, فهذا pas واجب عليه. C'est pas واجب عليه. عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أعرابيا ما يدخله الجنة فكان مما علمه أن قال له وأمر بالمعروف أو أمر بالمعروف وانهى عن المنكر. الرسول عليه الصلاة والسلام il a pris un arabe, un bédouin, il lui a pris des causes pour qu'il rentre dans le jannah. La cause qu'il lui a citée c'est appelle, ordonne le bien وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر et interdit le mal. Ça te montre أن الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر c'est une cause pour que la personne rentre dans le jannah. قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. Ça c'est un dalil, si tu peux pas, tais-toi. إلا من خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت. Si tu peux pas, dis du khayr. Et ne t'impose pas. Ne t'impose pas des choses qui sont au-dessus de ta capacité. Al-hadith akhrajahu l'imam Ahmed wa hassanahu al-imam al-wadi'i alayhi rahmatullah. Wa huna tanbihan. Al-awwal, on l'a cité. Anna, le cœur, je ne peux pas dire que je n'ai pas la capacité. Abadan. Si y a mon cœur, ton cœur il doit bouger. Ça doit te faire du mal. Elle m'a parlé et le fait de l'enlever avec la main, c'est autre chose, on a dit. Ça, c'est un bihal awwal. Athani, anal insan, c'est pas une petite chose. Ou wasawis, ou un petit adha, il dit, khala, j'ai pas la capacité. Abadan. Dès qu'on dit, n'a pas la capacité, la personne matalane, il peut se faire tuer, il peut se faire emprisonner. Des choses, hakada. Amma mujarrad talab al munkar, la personne, il va mal te parler, hada la shakavi. Ou ça va être dur, ou min hadil omour, la personne dit khalas, j'ai pas la capacité. C'est pas ça le murad, min ash-shart. C'est pas ça le murad. Le murad, c'est le qudra, tu peux pas. Ou si tu le fais, il va avoir un mal plus grand sur toi. Fi hada al-hal, na'am. Amma matalan, tu vas parler matalan à ton frère, ou à ta soeur, ou à ton cousin, ou à ton voisin. Thumma, il va te faire la tête matalan. Tu dis, je me tais, j'ai pas la capacité. Abadan. Et si la aql, cette personne, s'il fait tourner son aql, et il sait que tu lui veux son bien, bi'idnillah, il y aura du khayr. Lakin anta, tu montres. Hada ma ta'allaq bi hada ash-shart. Ash-shart al-thalith, et il est muhim, huwa al-ilm bi husul al-munkar. Il ressemble au premier shart. Le premier shart, c'est que tu as un ilm, que la chose elle-même, c'est un munkar. Ou c'est un ma'rouf. Si c'est un ma'rouf, t'appelles, si c'est un munkar, tu mets en garde. Ce shart, il précise la première condition du ilm. Wa huwa, tu dois être sûr que ce munkar, il a été fait par cette personne. Mathalan, on donne un exemple pour différencier les deux chourouts. Le premier shart, mathalan, tu sais que zina, le fait de faire l'adultère, wal'iyadu billah, la fornication, c'est haram, c'est un munkar. Bil-ijma'. Ça c'est le premier shart, t'es sûr. Le troisième shart qu'on va voir, c'est le fait de faire zina. Est-ce que cette personne, l'âne que tu vas conseiller, est-ce que lui il l'a fait? Il y a une différence. Hada, imma, t'as vu la personne. Une personne, il s'appelle Zaid Matalan, il a fait un munkar. Imma, tu l'as vu. Man ra'a minkum munkaran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ra'a. Imma, t'es sûr. Un thiqa Matalan, une personne de confiance, il t'a informé. Il t'a dit Matalan, ya fulan. Va conseiller Zayt. Je l'ai vu, il a fait kada, kada, kada. Khalas. Al-an, même si toi, tu n'as pas vu, la personne de confiance est informée. Al-an, tu peux y aller. Si tu es à la ilm, tu sais que c'est un munkar. Et tu sais que cette personne, il a fait ce munkar. Hada, c'est muhim, ya jama'a. Il y en a pas de nas, il y a des peuples, ils avancent. Bidzunun. Il n'est pas sûr. Qala, al-imam, al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Il va citer des mitals. Qala, il cite. Toujours les conditions, قال, parmi les conditions, قال, أن تعلم بأن هذا الرجل ترك المعروف أو فعل المنكر. C'est ça. الآن المنكر lui-même, on l'a vu dans le premier shart. Il a chaud elle-même. Ça peut être un munkar, ça peut être un ma'rouf. Si c'est un ma'rouf, on a dit t'appelles. Si c'est un munkar, tu mets en garde. الآن ce shart, c'est la personne. Est-ce que la personne, il a fait ce munkar ou il a délaissé ce ma'rouf? ولا تاخذ الناس بالتهمه او بالظن هذا تبلغ. Il y a plusieurs personnes, t'as vu une personne de loin, maintenant il y a une autre personne qui fume à côté de lui, t'as vu la fumée, tu sais pas trop c'est qui, tu sais pas, ممكن هو il a l'arrêt de bus, il attend, il a rien à voir مع هذا. انت tu vas et يا اخي اتق الله, tu fumes, j'ai vu de la fumée, t'as pas le droit هذا, ça c'est ظن, t'as rien vu, t'es pas sûr. هو peut-être qu'il va dire اتق الله انت, انا j'ai jamais fumé, c'est هذا. فهذا الحال لا تتوى أحسن لك تتوى سي تافو tu vois واحد fumer, tu vois واحد كذا, تفضل. الآن شيخ ابن عثيمين يبغى نسيتي دي زيكزومبل. قبل هذا استدل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. المسلم يسيكارد دو هذا 5 heures du à peu près. Et surtout, surtout, dès que c'est le haq l'akhari. Maintenant, il accuse Wahid, il n'est pas sûr. Là, il y a juste ça. Al-Dhan, c'est à peu près. Je ne suis pas sûr. Là, il y a juste. Fi had l'amour, tu dois être à la yaqin. Ilm, 100%. Si tu n'es pas à la yaqin, tais-toi. Si tu n'es pas à la yaqin, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne t'a pas ordonné d'enlever le munkar ou d'appeler au ma'ruf. Si tu n'es pas à la yaqin. Lianna, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a. Mais si tu n'as pas vu, tu n'es pas sûr, tais-toi. أما les exemples qu'il a cité Cheikh Ibn Uthaymeen, قال فإذا رأيت شخصا لا يصلي معك في المسجد فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلي في مسجد. انظر ça, مثال طيب. Cheikh Ibn Uthaymeen il dit ممكن dans ta ville. Dans ta ville maintenant un frère tu le vois plus au masjid. Je viens au Fajr, il n'est pas là. Dhuhr, il n'est pas là. Asr, il n'est pas là. Deuxième jour pareil. Troisième jour pareil. Quatrième jour tu le revois, ne lui saute pas dessus. Celui maintenant qui a la djahl via hada shar, il peut foncer. Ya akhi taqillah, tu viens plus au masjid. L'autre tu vas lui dire ya akhi taqillah, toi ça fait 3 jours que je suis malade, tu m'as pas rendu visite. Khalas. Qui c'est 14, c'est toi. Lui il est ma'dour, il était malade. Oh ya akhi taqillah, je suis parti rendre visite à mon père à l'hôpital, une ville lointaine. Oh taqillah, j'étais en voyage. Oh. Khalas hada. Ça veut pas dire qu'il n'est pas avec toi dans le masjid. Khalas, il y a qu'un masjid sur terre. Peut-être qu'il est dans notre masjid, peut-être qu'il a déménagé. Il a changé de, il veut aller dans notre masjid. Ah, c'est mohim là, d'ailleurs, jama'a. Ah, mais celui, khalas, il l'a pas vu, khalas, il a fait un munkar, il vient pas salat. Là, il y a juste ça. Qala, bel qad yakoun yusalli fi masjidin akhar wa qad yakoun ma'dhouran. Non, il peut prier dans une autre mosquée, hein, t'es pas au courant. Il a pas fait de munkar. Il a le droit. Il a, toi, tu pries dans une mosquée, lui, il prie dans une mosquée. Il y a pas de munkar, hein, personne n'a délaissé ce salat. Ah oui, il peut être excusé. Voyage, il a changé de ville, changé de pays, il est malade, le malade, il n'est pas obligé de venir à la mosquée. Il a akhiri. Qala, fala tadhab min ajli an tunkir alayhi hatta ta'lam annahu yataqalaf bila udr. Anta, tu parles pas, tant que tu n'es pas sûr. Amma, si tu es sûr, tu es sûr, matalan, on t'a informé, ou tu l'as vu, il ne vient pas au masjid. Tu es sûr qu'il ne va pas dans notre masjid. Tu es sûr qu'il délaisse salat al-jama'a. Dans ce cas-là, il a fait un munkar. Dans ce cas-là, tfaddal. Et avec le bon comportement. Salam alaikum, akhi, kayf halouk. Et akhi, en ce moment, on ne te voit plus. Tu vas dire, na'am, j'ai une faiblesse, kada kada. Et tu le conseilles. Ya akhi, et tu lui cites les hadiths, tu le motives. Tu le motives, ya akhi, salat jama'a, c'est important, kada kada kada. Wallahi, si tu le parles bien, si tu lui parles bien avec un bon comportement, avec des adillah, tu pourras que l'aider. Amma, la personne, il vient, et sans délit, sans rien. Et il hakada, il incendie la personne. Là, c'est pas hakada. سياتي معنا لو كومبورتمون لو كومبورتمون دو سوكابل سياتي. قال شيخ العثيمين à la fin de la fatwa قال نعم لا باس ان تذهب وتساله. قد يقول قائل est-ce que je, si je ne sais pas مثلا نحن الان ça fait une semaine on n'a pas vu un frère, on ne sait pas trop. فلا باس tu vas et tu lui parles, tu lui demandes. Et akhi, ça fait une semaine on ne te voit plus, qu'est-ce qui se passe? Il peut te dire je suis malade. Anta, alhamdulillah, tu t'es pas avancé comme un suicidaire. Tu lui fais, ah, afwan, on n'était pas au courant. Oh, il peut te dire, j'ai voyagé. Tu lui fais, ah, on savait pas. Oh, il peut te dire, j'ai pas d'excuse. T'enlèves le munkar. Elle m'a foncé à kada là. Là. Et là, toi, tu vas tomber dans le munkar et on va être obligé d'enlever ce munkar. Faddal, là. أحسنت. أحسنت. ومن الأدلة هذا أن رجلا جاء يوم الجمعة في المسجد إساسي مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صليت؟ Est-ce que tu as fait salat? لأن النبي صلى الله عليه وسلم peut-être qu'il a pas fait attention, peut-être qu'il a fait salat plus loin. إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم انظر الحكمة. صليت؟ الرجل يقول لا. قم فصلي إلى آخر. فأحسنت. هذا الدليل. ثم قال رحمه الله في شرح الأربعين. أما لكلام كنا سيتو بغضا ستا من شرح رياض الصالحين. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين النووية قال لا يجوز إنكار المنكر حتى يتيقن المنكر وذلك من وجهين. طب فل دغوا دون فان منكر سوف سيتي سور. Cheikh Ibn Uthaymeen, il va te montrer deux choses, deux points que tu dois comprendre ici. Aïe, être sûr, il y a deux choses. Qala al-wajhu al-awwal an yutayaqqana annahu munkar. Ça, c'est le premier shart. La première chose, c'est que tu es sûr que c'est un munkar. Tu es sûr que c'est un munkar. Tu peux voir une personne, il fait une chose, une sunnah que tu n'as jamais vue maintenant, tu crois que c'est un munkar. C'est pas un munkar. Il a un dalil. Tu dois être sûr, c'est un munkar. Ma'asiyah, c'est une bid'ah, C'est une mukhalafa. Tu dois être sûr. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, قال أن يتيقن أنه منكر في حق الفاعل. La deuxième chose, tu dois être sûr que c'est un munkar في حق الفاعل. لأن ça peut être un munkar pour Fulan, ça peut ne pas être un munkar pour Fulan. مفهوم؟ Qui c'est qui a un مثال؟ أحسنت. أنت. Il y a des choses, ça peut être un munkar pour une personne, ça peut être un mal, il n'a pas le droit de le faire. Un autre, il a le droit de le faire. Mathalan, Nahar Ramadan. Tous les musulmans qui ont la raison, ils ont la capacité, ils ont atteint l'âge de la puberté, ils doivent jeûner ce jour. Du Fajr jusqu'au Maghreb, ils ne doivent pas manger, ils ne doivent pas boire, Tu peux trouver un musulman, ce jour-là, il mange. Ramadan, ça a commencé lundi, mardi, mercredi, jeudi, il mange. Tu peux trouver une personne qui mange, tu peux trouver une deuxième personne qui mange. Tu peux trouver un, il a fait un munkar, il n'a pas le droit. Tu peux trouver l'autre, il a le droit. Celui qui a le droit, maintenant, il est en voyage. Le voyageur, c'est pas obligé qu'il fasse ça. Est-ce que c'est mieux qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas ? تقدم معنا في دروس في بيان شهر رمضان. على كل حال, c'est pas obligatoire, il a le droit de manger. Ou une personne qui est malade, il a une maladie. Tu le vois, il marche dans la rue, il a akhiré, lakin il a une maladie. Le docteur, il lui a donné un ilaj, il lui a donné quelque chose pour qu'il se soigne, un remède, et il doit manger, il n'a pas le droit, il va se faire du mal. Hada, il a le droit de manger. Fa anta, ayyuha da'i ila Allah. C'est pas tu fonces hakada. Tu vois, wahed, fina ramadan, il mange, khalas, taqillah, tu fais pas siyam. Ya akhi, il a un udr, il a une excuse. Il a une excuse. Fa, dans ton cas, un, t'as pas compris hadin masala. Est-ce que c'est un munkar pour la personne là? Qala shaykh ibn Uthaymeen. Il a cité un mithal. قال مثال ذلك, c'est le mithal qu'on a cité. قال الأكل والشرب في رمضان. قال الأصل أنه منكر, لكن قد لا يكون منكرا في حق رجل بعينه, كأنه يكون مريدا أو مسافرا. نعم. Tu peux trouver une autre personne, نهار رمضان, tu le vois en train de manger. On a dit la solution, hein, la méthode, si tu n'es pas sûr, tu lui demandes. Tu fais salam alaikum, ya akhi. Akhi, je t'ai vu manger, c'est رمضان. Il peut te dire, je suis malade. Tu le fais, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est chfi. Pas fait de dua pour lui, il a akhri. Tu peux lui demander, il n'a pas de raison. Al-an, tu enlèves sur mon corps. Tu fais, ya akhri, taqillah. Taqillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné de jeûner ce mois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, et tu lui montres. Et tu lui montres, et tu enlèves sur mon corps. Hada shart, il est muhim. Hada shart, il est muhim. Tu regardes la personne elle-même. Ash-shart al-rabi', la quatrième condition, et elle est muhim, ma kadhalik. Allah yahsul. بتغيير المنكر منكرا أكبر وأعظم منه خاصة شرط مهم هذا الشرط هو أي تبال وضل في منكر سي لفت كتالف اسم منكر سبعت لكوز دا منكر plus grand دا مال plus grand تبال دوا لأن هذه الشريعة هذا الدين أمرنا بالأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète, ils nous ont ordonné d'appeler au bien, d'interdire le mal. Et le but, c'est quoi? Al-Qadz, c'est quoi? C'est taghyir wa izalat al-shar wa al-fasad. C'est ça le but. Le but, c'est qu'on enlève ce fasad, on enlève ce mal. Ou on le diminue. Izalat al-fasad ou taqlilu. Imma on l'enlève, walillahi l'ham, imma au pire des cas, on le diminue. Amma, on enlève un munkar, on enlève et on emmène un munkar 10 fois plus grand à la place, elle est où le faïda? Il n'y a aucune faïda. Fafi hadal hal, tu n'as pas le droit de parler. Wa dalil, qawlullah, subhanahu wa ta'ala, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillah, fa yasubbu Allah adwan bi ghayri ilm. Tu n'as pas le droit. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'insulter les idoles des mushrikines si ça pousse, ils insultent Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le droit. Tu sais, maintenant, tu vas insulter l'idole d'un mouchrik. Il adore une statue. Tu l'insultes. Tu sais que lui, si tu insultes, il va insulter Allah subhanahu wa ta'ala. Ton ilah. T'as pas le droit. Tais-toi. Wa min hadha al-bab, comme a dit sur l'islam de Taymiyyah, tark al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qatla al-munafiqin. Ta'lamouna anna al-munafiq, c'est une balwa. C'est un char. Ala hadhi al-umma, munafiq. Il fait croire que c'est un musulman et c'est un kafir. Et il combat l'islam de l'intérieur. Munkar. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne les a pas combattus. Limada. Li'anna, il y avait un mal beaucoup plus grand. Li'anna, si le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait tué les hypocrites, les gens, ils auraient dit, Anzuru, il tue ses compagnons. Une personne maintenant, elle veut rentrer dans l'islam, Kuffar Quraysh, ils en auraient profité, ils auraient dit, tu vas rentrer dans l'islam, si tu rentres, il va te tuer. Voilà, ça bloque la da'wa. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les laisse. Et il fait le dua. Allah subhanahu wa ta'ala, lahum bil mirsad. Hada raji'a kalam shaykh l'islam, Ibn Taymiyyah. Tous ces kalam qu'on cite, ils sont fait risalat akhina sa'id. Ad-da'as al-yafi'i wa faqahu Allah. Sa risala fil amr bil ma'ruf wa na'am munkar. À la fin de la kalima, on donnera les références, celui qui veut étudier cette mas'ala plus. قال الإمام الصنعاني رحمه الله وقد اتفق العلماء من الفرق كلها أنه إذا أدى إنكار المنكر إلى أنكر منه لم يجوز إنكاره إجماع الفرق même les groupes égarés tout le monde est d'accord أن enlever un منكر et à la place il y a un منكر plus grand t'as pas le droit بالإجماع اتفاق العلماء من الفرق قال الإمام ابن القيم رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر كما في حديث أبي سعيد فسي أبليغاتوار on l'a vu au début de la kalima قال ليحصر بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله c'est ça le but c'est qu'on enlève un munkar et on remplace par un معروف c'est ça le but oh, on fait diminuer le munkar et le bien il augmente c'est ça le but قال فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه فلا يسوغ إنكاره si le fait que t'enlèves ce munkar ça emmène un munkar plus grand dans ce cas là si tu réfléchis un temps si tu as compris les versets du Coran, tu as compris les hadiths du prophète sallam dans cette mas'ala, tu verras qu'il n'y a aucune faïda. قال وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. الآن tu as compris pourquoi les gouverneurs dès qu'ils font un munkar on ne peut pas enlever le munkar avec la main. والعياذ بالله صلى الله العافيه بعض الناس في الخروج مثلا ان روا ان بريزيدون الى اوتوريزي الكول ان روا ان بريزيدون الى فكذا الى فكذا بعض الناس ما يفهمون هذه الامور يفولفي دو فورس يا منكر plus grand لان الروا او لو غوفرنور il envoie l'armée il y a des milliers de morts et là après à la fin on a rien gagné le munkar il y a toujours des milliers de morts et la personne il s'est fait du mal est-ce qu'on a gagné quelque chose ابدا la personne dans ce cas là il lève les mains il fait dua Allah subhanahu wa ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala il guide ce gouverneur ahsan lah ahsan lah ama andar al khawarij ils n'ont pas compris mit la hadith al dhawabit ils n'ont pas compris mit la hadith shurut andar le mal qu'ils sont fait et qu'ils font aux autres كذلك مثال الست ابن القيم قال وعزم صلى الله عليه وسلم على تغيير البيت ورده على قواعد ابراهيم on a vu cette masala il n'y a pas longtemps في صحيح البخاري في درس شيخنا حفظه الله On a étudié cette mas'ala. Le Nabi sallam il a montré que le bayt il n'est pas à la qawaid d'Ibrahim. Le Nabi sallam il a pensé à détruire le Kaaba et l'a fondé sur qawaid d'Ibrahim, les bases d'Ibrahim. Ma'rouf, c'est un ma'rouf. Le Nabi sallam il l'a pas fait, il sait qu'il y a un munkar plus grand qui peut venir. Comme dans le hadith d'Aïcha, le Nabi sallam a dit à elle Inna qawmaki, hudata ahadul islam. Et ton qawm, ils sont nouveaux dans l'islam. Moumkin ils ne seraient pas prêts. Moumkin ça serait trop lourd pour eux. Kaif nahnu, on vient de rentrer dans l'islam. On vient de suivre le prophète alayhi salam. Il enlève la Kaaba. Et il la déplace. Peut-être que Ba'd al-Nas ils n'auraient pas pu supporter. Ou peut-être que le munafiq ou le kafir il en aurait profité. Il aurait dit regardez, vous l'avez suivi et commencez à enlever votre Kaaba. Le Nabi salam, il a préféré et il nous a montré dans ce cas-là, tu touches à rien. Wa ni'ma ma fa'al alayhi salatu salam. Ça c'est un dars pour nous. Un dars, on a enlevé un munkar et un munkar qui vient plus grand, ça ne sert à rien du tout. Adda, si tu réfléchis, ton but c'est d'enlever le munkar. Enfin, si tu sais qu'il y a un munkar plus grand, laisse ce munkar. Ça arrive, tu as deux mauvaises choses. Tu n'as pas le choix. Tu as deux mauvaises choses. Enfin, dans ce cas-là, dîn al-islam, il te montre que tu restes sur le moindre mal. Le moindre mal. Al-Ka'ba, elle n'est pas sur les qawaïd. Le mieux, c'est qu'elle soit sur le Qa'id Ibrahim. Al-An, si on enlève la Kaaba, il y a des gens qui peuvent sortir de l'islam, il peut se passer des choses. Un mal, un mal. On laisse le moindre mal. Thumma, Ibn Qayyim, il a cité un autre midal. Et c'est Qissat, Cheikh l'Islam, le Taymiyyah, Rahimahullah. Qala, Ibn Qayyim, Rahimahullah, Sami'tu, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, son Cheikh, Cheikh l'Islam, Yaqul, مررت انا وبعض اصحابه وبعض اصحابه زمن التتار شيخ الاسلام il était avec يعني les amis à lui et c'était à l'époque des tatars يحارب المسلمين كما تعلمون. قال زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر. Ils avancent à Gada et ils sont passés à côté d'une jama'a des Tatars, des Kuffars, et ils buvaient de l'alcool. قال رحمه الله فأنكر عليهم من كان معي. Une personne qui était avec Cheikh l'Islam, il n'a pas le même ilm que Cheikh l'Islam. Il a pensé qu'il faut l'enlever ce munkar. Il a parlé. فأنكر عليهم. Boire l'alcool c'est haram. Lakin cette personne, il était avec un faqih, avec un imam, avec Cheikh l'Islam. قال فأنكرت عليه. Cheikh l'Islam, il a ankar à l'autre. Chauf. Il a voulu enlever un munkar. Il s'est retrouvé lui-même dans le munkar. Cheikh l'Islam, il lui enlève le munkar. Lakin Cheikh l'Islam, rahimahullah, c'est un alim. Cheikh l'Islam, il a la bonne méthode. فقال Cheikh l'Islam, وقلت له إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. أنت تشوف تشي pourquoi الله سبحانه وتعالى il a interdit l'alcool. لأن ça t'empêche de faire dhikr, ça t'empêche de faire salat, ça pousse à faire du haram إلى آخره. الآن analyse هؤلاء. Cheikh l'Islam il a analysé هؤلاء. Est-ce qu'ils sont concernés أم لا؟ قال Cheikh l'Islam قال إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس والسل الذرية. الآن الخمر الله لا تغدي لأنه سأمبش la personne de faire salat et dhikr الآخرين. أما شيخ الإسلام il a montré à son frère, à son compagnon qui était avec lui, هؤلاء le fait qu'il boit l'alcool ça l'empêche de tuer, de faire la guerre aux musulmans il a akhiré. أنت tu conclues لماذا tu l'empêches? C'est quoi le mieux? C'est qu'il boit et il reste comme un animal هكذا, ou il arrête de boire, il prend la quwa et il combat les musulmans? C'est quoi le mieux? هكذا يفشي شيخ الإسلام. هذا الكلام راجع إعلام الموقعين المجلد الثالث للإمام ابن القيم رحمه الله اللي موجود في رسالة أخينا سعيد وفقه الله. الخلاصة خلاصة تسكن في الآن أي هذا الشرط الرابع أن كما قال ابن القيم رحمه الله إن كان المنكر يكاد درجات أربع درجات. قال الأولى أن يزول ويخلفه ضده. La première chose c'est que t'enlèves un منكر et à la place il y a un ma'rouf, alhamdoulilah, dans ce cas là tu dois le faire. La deuxième, la deuxième chose, t'enlèves un munkar, t'arrives pas à l'enlever complètement, lakin tu fais diminuer le munkar. La troisième, le troisième cas, t'enlèves un munkar et il y a un munkar pareil qui vient. On va citer le hukm, on lit déjà les quatre. قال الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. Quatrième cas, t'enlèves un munkar, il y a un munkar plus grand, plus grave qui vient. قال ابن القيم فالدرجتان الأوليتان مشروعتان. Les deux premiers cas, si t'as la capacité, c'est wajib, c'est مشروع. T'enlèves un munkar, il y a un bien qui vient à la place, ou t'enlèves un munkar et tu le fais diminuer. طيب. Les deux cas, t'enlèves. Avec les autres shurut, bien sûr. قال والثالثة موضع اجتهاد. La troisième اجتهاد. On enlève un munkar et il y a le même munkar qui revient. On n'a pas enlevé le munkar, on ne l'a pas fait augmenter. C'est le même. في هذا الحال, c'est un موضع اجتهاد. Il n'y a pas une grosse utilité, لأن le munkar qui revient. Lakin il peut avoir une utilité. Tu fais revivre cette sunnah. Tu fais revivre cette sunnah. J'enlève le munkar. تفضل. On répète, le premier, t'enlèves le munkar et il y a un bien qui vient à la place. Le deuxième, t'enlèves le munkar. Tu l'enlèves pas, tu le fais diminuer. Tu l'enlèves. Tu l'enlèves. Même si tu ne l'as pas enlevé complètement, il a diminué. Il y a moins de mal, alhamdoulilah. Le troisième, t'enlèves le munkar, il y a un autre munkar qui vient, le même. On a dit, celui-là, c'est un ijtihad. La personne, s'il voit que c'est mieux d'essayer d'enlever, il enlève. S'il voit qu'il n'y a aucune unité, il n'enlève pas. Hada, il a le choix. Yandor. Yandor. Et les ulama, ils ont des aqwal fi hada. Raji al-risala al-madkura, il a cité hada. Le quatrième, qal wa rabi'a muharrama. Elle est haram bil-ijma'. T'enlèves un munkar, il y a 10 autres munkar qui viennent. C'est haram bil-ijma', t'as pas le droit. Et on a cité les adillah avec le Kaaba, l'histoire de Cheikh l'Islam. Bi-idnillah, c'est wadih. نكمل هذه الجلسة بمسألة وهي مهمة. Ça rapport avec les conditions. On a fini نحن les quatre conditions. الآن il y a une cinquième condition. Il y a une cinquième condition laquelle les ulama ils ont divergé. Est-ce que c'est une condition أم لا؟ وهي اشتراط التأثير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Ça c'est مهم. Est-ce que le fait qu'il y a un تأثير c'est une condition amla. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, ahyanan, tu peux voir, ou tu peux penser, anna, tu vas parler, tu vas enlever mon cœur et ça ne va rien changer. Matalan, tu es dans la rue. Une personne y fume. Ça munkar. Tu l'as vu. Tu es à la im, tu as des adillah. Tu as des adillah du Coran, de la sunna, que la cigarette c'est interdit. Tu l'as vu, il est en face de toi. Khalas, tu as les shorot. Tu sais que si tu lui montres, il ne va pas avoir un mal plus grand qui vient. Khalas, tu as toutes les conditions. Il reste celle-là. Tu es sûr qu'il ne t'écoutera pas. Est-ce que c'est un short? At-ta'thir, matalan, tu sais que ça ne va rien changer, tu te tais. هذا العلماء اختلفوا الصحيح انه سبان شرط الصحيح سيك سبان شرط الصحيح سيك tu parles ولو تي à 99.9% ça va rien changer parle لماذا لان si tu parles اولا انت الاجر تا appliquer une sunna deuxièmement انت tu connais pas le ghaib c'est pour ça qu'on a dit 99.9% peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala il va le guider بسببك peut-être tu sais pas. Troisièmement, peut-être qu'il y a une personne qui regarde à côté. Anta, maintenant, tu vas parler à Zay. Peut-être qu'il y a une autre personne à côté. Et lui, ça va le toucher. Il va se dire, ah, sahih, sahih, la cigarette, il va entendre les adillah, il a akhiré. Et ça va lui faire une da'wah. Enfin, là, t'as scout. At-ta'thir, c'est pas un short. Et si on se tait, on se tait toujours, on se tait toujours. Enfin, bah, d'annas, ils vont tomber fait le rafla. La personne, il fait revivre cette sunnah. Il fait revivre ce asl azim. بقدر ما يستطيع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصح القولين. Et أنت tu sais الآن que les علماء ils ont divergé. بعض العلماء ils disent là. Si tu sais que ça va rien changer l'akhir, c'est pas la peine. لكن لا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أصح القولين. La vie le plus juste. أنه يجب وإن لم يقبل منه. C'est ça la vie le plus juste. Et on a cité نحن quelques causes. قال إذا لم يكن مفسدة الأمر راجحة على مفسدة الترك. Bien sûr. Ah, mais si tu penses que ça va emmener un char plus grand, ça, là, délaisse. On revient à la condition d'avant. قَالَ كَمَا بَقِيَ نُوحْ أَلْفَ سَنَا إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا يَنْذِرْ قَوْمَهُ. Et ça, c'est un délit taillé. Nuh, alayhi salam, 1000 ans. Un peu moins de 1000 ans, moins 50, 950 années. Et il fait da'wah à son qawm. Et il fait da'wah à son qawm. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas accepté. Lakin, il ne s'est pas tué, 950 ans. هذا سندليل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنت تقبل الآن 950 ans نوح عليه السلام إلى la récompense وفي حديث ابن عباس يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد est-ce qu'il a appelé au معروف et il a entendu le منكر لا شك personne l'a écouté سهل il a appelé lui au moins il a fait ce qu'il avait à faire هذا هو الصحيح كذلك الآية qu'on a cité la kalima d'hier قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون هذا القول on avait vu hier معذرتان الى ربكم vous vous rappelez de l'histoire un قوم il a dit pourquoi vous enlevez mon cœur et ils ont dit معذرتان الى ربكم اي comme ça on a une excuse عند الله et لعلهم يتقون peut-être qu'ils seront guidés enfin في الحقيقة la personne il peut pas être sûr à 100% أن فلان il va pas accepter il peut pas être sûr et demain بإذن الله on finit la troisième partie de ce sujet مهم et ça sera sur أخلاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآن أنت tu sais que c'est واجب. Tu connais l'importance. Tu connais les bienfaits. Tu connais les conditions. الآن il y a un comportement à avoir. Il y a un comportement. Tu peux avoir les quatre conditions qu'on a citées. Tu dois y aller. Tu dois enlever ce منكر. لكن il y a un comportement. La douceur, la patience, il a خير. فهذا ça sera le sujet de demain. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء إثعابي